tombé dans le panneau, le tourment souffle, je me sens vide et pensif. Les notes du piano tournent en boucle comme ma vie ces temps-ci. J'ai grandi avec ce caractère qui ressemble à celui de mon père. J'attends que la foudre frappe la terre, je n'ai que des visions ternes. Y'a de quoi frissonner pour chasser par de drôles de rêves. L'amour inconditionnel fut chassé par ce flot de haine. Oui, les roses ont fané depuis longtemps déjà. On en est là depuis tant d'années, vise tout le temps les bras. Ne priez pas, c'est ainsi, faites semblant d'aller bien. J'essaie de rester fidèle à des principes qui ne sont même pas les miens. C'est trop petit par ce monde de hier. Mieux vaut être insensible, être sauvé par le gong. Reste une utopie enfantine. Faudrait qu'on se taille, envie de brûler le bail. À croire que je suis bon qu'à poser mon blaze au fond de cette ruelle grave, jeune et brave. Ça y est, je suis pareil pour lancer l'éclair. Dites-vous bien que j'ai la dalle et que je suis pas fait pour manger les restes. Le diamant s'est brisé, brisé. Je me suis sûrement posé trop de questions. J'ai laissé les étoiles me guider, guider. Mais je me suis réveillé dans un fossé de ronces. Le diamant s'est brisé, brisé. Je me suis sûrement posé trop de questions. J'ai laissé les étoiles me guider, guider. Mais je me suis réveillé dans un fossé de ronces. J'suis pas craintif, je sais que le train siffle. Resserre la sangle de la ceinture de tes principes. Pas besoin de dress code, c'est la poisse qui s'invite. Les cônes sont pleins de shit, ce monde est en fin de cycle. Si on s'aime, on pourrait bien triompher. Mais la fin de l'histoire est écrite par qui on sait. Gris foncé, le ciel, pour si peu il pleut les cartouches. Pas qu'en Russie qu'il y a une place rouge. Et on marche tous sur des lames de rasoir. Pendant que le mal tousse crache des flammes de gasoil. Du coup chaque soir je torture le buvard. À l'arrière d'une turvoie quand le tunnel est plus noir. On aimerait s'ouvrir mais grandir c'est souffrir. Je nourris mes souvenirs comme mausolée d'une tombe. Le diamant s'est brisé. Je ramène Cholo c'est du bon. Pour mes potos des rues sombres avant l'autodestruction. Le diamant s'est brisé, brisé. Je me suis sûrement posé trop de questions. J'ai laissé les étoiles me guider, guider. Mais je me suis réveillé dans un fossé de ronces. Le diamant s'est brisé, brisé. Je me suis sûrement posé trop de questions. J'ai laissé les étoiles me guider, guider. Mais je me suis réveillé dans un fossé de ronces. Même les erreurs qu'ils nous font commettre. Beaucoup de vieux démons, c'est mes pires ennemis de tous. Calculer, décalculer, même les erreurs qu'ils nous font commettre. Chaplet de soucis.